Culture Clash, man. Wack MCs. Wack M. Wack MCs. Ouais, y'en a beaucoup. MC. MC. Beaucoup, beaucoup trop, à mon goût. Kenji. C'est ça. Certains tuent le rap. Le rap français, je t'en parle même pas. C'est quoi les Wack MCs? Ok, passe-moi un mic, passe-moi un mic et laisse le beat jouer. Mes rimes sont lancées, ça fait 4 ans que je suis en train de rapper. Mais maintenant je sais que je peux faire kiffer. Mon rap est pas comme le tien, le mien est bien, le tien est vilain. Tu parles du quartier comme si tu l'avais épousé. Mec, mec, faut penser à le lâcher, lâcher. Deviens quelqu'un car la toast t'as deux chiens. Tu vis dans la défonce, moi je vis dans le son. Mes baskets sont blanches, les tiennes flanches. Crac comme ton dégradé, sur crac comme ton dégradé sur ton crâne. Applique-toi et fais les choses bien. Chose bien, reste cool pour vivre demain. Tu vis comme un chien à la recherche de chienne. Pour faire un bon texte, faut du vocabulaire. Et toi, c'est pas ça, t'es pas dans l'air. Trop de merde, balance trop de merde. De mots de merde, balance en studio. Puis ça finit à studio, puis ça finit à la radio. Nas l'a dit, et pas dit, hip hop is dead. L'a dit, hip hop is dead, man. Et son frère va pas tarder à crever. Car c'est rempli de fake ends, fake ends, fake ends. Je ne citerai pas de nom pour pas créer de beef. But the shit, but the shit, but the shit is real, man. No, no, for the fake MCs. Oh yeah. Allez vous faire foutre. En Amérique, en France, c'est partout, ça tue tout.